c'était malade de synthétiseur. Listen to me. Do you know this song? Tom. Do you know Kim White? Do you like Kim White? Kim White. And Zeno is singing. Cambodia. She's too old. She's old. My tonality. Getting old, not sexy. When I was told Yes, it's a good song. Langaya. Deep synthesizer, all Langaya, little beast. Sur la scène du Star Palace. Ça va trop vite, ça. I'm drunk. Bon, on va pas mettre de... Putain, vous êtes forts, les mecs, hein. Synthétiseur, vous êtes ready? Always ready. Ready, fight! Ready. Ready. Ready. Oh, B? No. No B. Thank you. Thank you. patriotique. Avec mon super accent pourri. De toute façon, les Américains n'ont pas envie de parler français, ils s'en branlent complètement de notre langue. Alors, je vois pas pourquoi on ferait un effort. I don't understand one word French. Ouais, chaque fois, dès qu'on parle ma langue. Can, oh, qu'est-ce que tu fais? One sentence. Ils en ont rien à foutre, les Américains de la Voulez-vous France. Voulez-vous coucher avec moi? La boue. Baguette. Cheese. Oh, so game over. Mes enfants, même pas joué ça. Pour un triste jour de gloire est arrivé contre nous. Marc, celui de l'Allemagne. Hein. Bye bye. Okay. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Sorry for not Thank complete. You. And see you later. See you later, alligator. Okay. See you later. Moi, je veux faire every breath you take. You're a French connection. French connection. Bye bye, French connection. Michael, woohoo! Michael. I will save you so and I guess No, I don't live. Every breath you take. Thank you. people. Max. Alors. Oh putain, c'est chiant, Max, j'adore. Ok. En français, il faut apprendre le français. La. Mi. La. Mi. Sol. Ré. Fa. Do. Thank you. Max, Max, guitare queer, rock the ball, and Phil. Je dois, aller manger. De la batterie avec la souris. C'est dur. Il y a pas des touches. Il y a pas des touches pour dédier là. Impossible. Attention, je vais prendre une Sabian HX Evolution. Là c'est 19 là. Et une Jack Gentleman. Ça c'est la ride, à une 22 Sabian. Toi aussi cette batterie. Pas mal ma batterie non. Des baguettes.